بسم الله الرحمن الرحيم. سئل العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كما في كتابه فتاوى على الطريق: ما حكم شراء الأظافر البلاستيكية؟ Et il lui pose la question, rahmatullah alayh, sur le fait de porter des faux ongles en plastique. Est-ce que c'est permis ou pas, le fait de les porter, de les acheter? قال رحمه الله بدعة منكرة ولست أعني أنها بدعة دين ولكنها بدعة حدثت أخيرا موضة فاسدة باطلة. Cheikh Ibn Uthaymeen, il a répondu que c'est une bid'a munkara. Et il a précisé là que al bid'a, c'est une chose innovée, pas par rapport au din. Ce qui porte, c'est pas pour une adoration. Là, huna, c'est une chose qui n'existait pas avant. Et c'est une mode, comme a dit rahmatullah alayh, et il l'a qualifié de munkara, de fasida et de batila. قال ولبسها يضاد الشريعة التي أمرت بقصر الأظافر. Pourquoi c'est haram? Porter des faux ongles. Et sans rentrer dans les détails, il n'y a aucune utilité. Là, après. أولا notre دين كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الفطرة c'est 5 choses. Parmi ces choses, se couper les ongles. فنطخ الدين فالحقيقة on a plusieurs textes qui nous encouragent à nous couper les ongles. Et ne pas les laisser pousser, Kathira. Pourquoi? Parce que notre dîn, c'est dîn ou al-nadhafa ou al-tahara. Et laisser pousser les ongles, bien sûr, c'est une cause de saleté et autres. La première cause, c'est que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné de nous couper nos ongles. Qala wa an la tutrak fawqa 40 yawma, comme a dit le hadith. La limite, c'est 40 jours. Si tu les laisses, ne dépasse pas 40 jours. قال ثم هي تمنع وصول الماء الى ما تحتها فيختل الوضوء. Et ça c'est très très important. Anna بعض النساء elle porte ses ongles et quand elles font l'eau d'eau, quand elles font les ablutions, elles ne retirent pas ses ongles. Et l'eau, في الحقيقة elle ne pénètre pas. لأن la main elle doit être lavée. C'est une obligation. C'est une obligation de laver ses mains jusqu'au coude. Et la main ça englobe les ongles. Tu dois laver toute ta main avec tes ongles. فلهذا, si l'eau ne touche pas une partie, comme a dit le hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a vu un homme, et une partie de son pied, elle était sec. Et l'eau n'a pas touché cette partie, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a ordonné de refaire l'eau d'eau. Ça montre quoi? Ça montre que l'eau, elle doit toucher toutes les parties obligatoires. Enfin, parmi les parties obligatoires, les mains. L'eau, elle doit toucher toute la partie des mains. Enfin, avec ses faux ongles, en général, l'eau, elle ne touche pas l'ongle. À cause de هذه المصيبة. قال ثم هي تمنع وصول الماء الى ما تحتها فيختل الوضوء ثم هي موروثه عن نساء كافرات. Première cause, on répète, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de couper nos ongles. Deuxième cause, ça peut poser un problème quand ces femmes elles font leurs ablutions. Troisième cause, anna hadha c'est venu des kafirat. Et al muslima elle doit pas prendre comme modèle al kafirat ou al fasiqat. تقدم معنا dans notre درس de Riyad Salihin المرء مع من أحب يوم القيامة فأيها أيتها المسلمة prend comme exemple خديجة رضي الله عنها la femme du prophète عليه الصلاة والسلام prend comme exemple فاطمة رضي الله عنها la fille du prophète عليه الصلاة والسلام prend pour exemple les femmes du prophète عائشة وحفصة وأم سلمة les femmes des compagnons رضي الله عنهم أجمعين أما الاغترار بهؤلاء tu gagneras rien et كذلك اعلمي أن هذا ça fait pas partie de la beauté. العاقل l'homme المسلم الصالح العاقل il recherche pas la beauté dans les ongles أبدا. L'homme qui est عاقل qui raisonne bien sûr il cherche une femme comme épouse, une femme qui va l'aider dans son dîn, qui va l'aider في الدنيا, qui va élever ses enfants. Bien sûr tout ça c'est fondé sur le mahabba, sur l'entraide إلى آخره. أما les ongles ça va changer quoi? Bel c'est ça contredit الفطرة. Et كذلك, ça fait du mal dans les ablutions. Et كذلك, ça vient de الكافرات, الملعونات. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه لذلك أحذر أخوات المسلمات من لبس هذه الأظافر وأدعوهن على أن يتيقن على أن يتقين الله وأن يعملن كما قال تعالى. نعم, فهذه نصيحة جميلة. الشيخ ابن عثيمين إلى conseillé ses sœurs المسلمات de ne pas porter هذه الأشياء. Et à notre époque, la fatwa, elle date de plusieurs années. Et à notre époque, beaucoup de femmes, on parle des muslimates, on parle des muslimates, elles perdent leur temps avec ça. Des heures, les ongles, après les cheveux, certaines, les sourcils. Toucher aux sourcils, c'est haram. Et inshallah, on a déjà traité ce sujet, on relira des fatawas fi hadha al-bab. قالوا أن يعملن كما قال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. Et là, c'était ce verset, un rappel. Ce bas monde, il disparaîtra. Ce bas monde, وصفه الله عز وجل أنه لهو وزينة وتفاخر. Et les gens, ils veulent se montrer, ils veulent se concurrencer. Le mu'min, il doit faire attention à ça. Fais des efforts dans ton dîn. Apprends ton dîn. Tu perds ton temps avec tes ongles, après avec tes cheveux, après avec les teintures, après. Et ton mari, قبل ذلك. Est-ce que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que tu donnes les droits de ton mari, les droits de tes enfants? Il a akhiré. قال الله عز وجل كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Doit penser à هذا أن في الآخرة عذاب شديد. Allah subhanahu wa ta'ala, il a préparé un châtiment douloureux pour ceux qui ne lui obéissent pas. Et كذلك, il a préparé une énorme récompense pour ceux qui obéissent. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Enfin, ne te fais pas tromper, أيها المسلم, أيها المسلمة, par ce bas monde. On doit faire des efforts pour obéir au prophète عليه الصلاة والسلام et s'écarter des interdictions. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. نَكْتَفِي بِهَذَا.